un bic et un dictionnaire. Ça kick, ça kick, kick, fait wega, c'est kick, kick, les gongos. Madame Kiss, les juras, Madame Kiss, oh. Toujours au bif pour les couper, sur un bif tricoté. De la bif, tiens, voir du liquide, oh. Je suis nouveau MC, qui arrive, je suis tragique et magique. Demandez à Poto Harry, je fais des sons violents, vous posez. Ayez la conscience que je viens là pour tout exploser. Le rap, une compète, on se check, on se pèse, on se trouve, on se perd, on gueule, on se tait. Mais on critique pas des rappeurs qu'on connaît pas. 2007, une année où y'a trop de personnes qui parlent. Les internautes se déchirent sur internet, à part s'enflammer sur les blogs, rien les intéresse. Beaucoup se disent number one sur la piste, mais leur place est grave au top 50 des usures de vie. Moi aussi j'ai faim, tic, variété, entre nous je les mets gratuits sur le net et ouais la vérité. Et au bout du couloir dans le canal, si j'arrive à percer, c'est que mon son m'a fait un carnage. Je roule en 306, aucune liste, prénom 06. Dans une boîte je me fais zéro fille, je finirai par un LOL ou un MDR. Au mic on peut dire n'importe quoi, leur parfois je suis PTDR. Ça qui kiffe, fait wega, c'est qui kiffe les gogos. Madame